Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 12e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Pour cette 12e émission, on va faire un thème un peu plus général que d'habitude. On va parler des triple A qui sont disponibles sur PSVR et un petit peu sur PCVR aussi. Mais avant de parler de ça, il y a une news qui vient de tomber et j'ai complètement oublié de présenter tout le monde. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Laurent. Salut Laurent. Salut tout le monde, comment ça va bien? Ça va très bien, je suppose. Bah ouais, ça va, écoute. Ensuite, on a Cilion. Salut Cilion. Bah salut, moi je suis dans le move, hein. J'étais prêt à t'écouter et passer les présentations, mais bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde. Ah, j'étais merci. Parti dans mon délire. C'est vrai qu'on dit toujours salut, ça va, oui ça va, et toi? Okay. Ouais. Bah non, ça va pas, non ça va pas, voilà, qu'est-ce qu'il y a? La prochaine fois, je dirais que ça va pas. Ouais. Ça, ça me fait chier d'être là, bon... Bon, du coup, on va commencer donc l'émission pour de bon. Mais avant, il y a une petite news là qui est tombée, là on enregistre le 7 mars, et il y a la news qui est tombée, l'arrivée de Nintendo dans le monde merveilleux de la réalité virtuelle, grâce à ces petits bouts de carton, Nintendo Lab. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Vous avez vu la news? Oui, plutôt oui, j'ai bondi ce matin quand j'ai vu ça. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'en pense du bien et du mal en même temps. Voilà. En fait, moi perso, c'est très bien parce que Nintendo c'est quand même une grosse marque qui se lance enfin dans la VR. Donc c'est génial de ce côté-là. Mes craintes, c'est quand même un casque en carton avec une console 720p. Ça va pas être la meilleure expérience possible pour faire découvrir la VR aux gens qui ne la connaissent pas. Mmh. Et c'est ma crainte. Ben, c'est ce que je dis depuis le début d'ailleurs sur ces casques, tous les casques en carton et tous les casques bas de gamme. Les casques à 50€, à 70€, c'est pas la meilleure façon de faire découvrir la VR. Et c'est comme ça après qu'on se retrouve sur des forums et tout ça avec des gens qui disent la VR c'est de la merde, alors qu'ils ont essayé que des trucs. C'est de lentilles en plastique avec un truc en carton, on fait un casque VR, non, mais par rapport à un Vive, c'est autre chose quoi. Je pense qu'ils sont pas du tout dans la même gamme, mais en plus, ils ont, c'est un concept un petit peu hybride où il y aura plusieurs formes que tu pourras donner à tes structures en carton pour pouvoir avoir des expériences, et on parle bien là d'expériences en VR. T'en penses quoi, toi, Sillon? Nintendo et la VR, c'est qui Nintendo? Ouais. Nintendo, non, c'est... Mais je veux dire, pour moi, ça me... je peux... Nintendo, pour moi, c'est forcément jeu pour enfants, et il y a quelque chose qui est un peu contradictoire pour moi, c'est de voir... Des lunettes VR sur, comme disait Laurent, des écrans de merde de 720p, désolé, hein. Mais ça va pas et le pour faire. Les enfants, hein. En plus, donc pour, et en moi, plus pour les enfants, t'as raison de le dire, parce que justement là, c'est en tout cas proposé pour les enfants de 7 ans et plus, contrairement au PSVR et à tous les casques VR où c'est 12 ans et plus. Ouais, je suis pas papa, mais si j'avais un enfant, je dirais non, quoi. Voilà. Pareil. Et la qualité sera mauvaise de toute façon, même si les jeux sont bons, mais... Après, c'est du marketing, c'est le nom Nintendo à coller à VR. Bon, est-ce qu'après, il y aura un succès derrière? Je crois pas. Et j'ai l'impression que carbone, tout ce qu'ils ont fait en carton, là, ça marche pas, hein, tous ces jouets. Ça marche quand même, mais c'est pas l'explosion. Hein, mais les ventes peuvent monter, par contre. Donc, ça peut prendre d'un coup. Hein. Il suffit que dans les cours de récréation, il y ait une folie... Nintendo Lab, et puis alors là ça part en vrille quoi. Donc pour moi c'est une bonne partir. Nouvelle pour la VR en général, mais c'est pas une bonne nouvelle pour les ch'tios qui vont mettre ça sur leur nez, hein. Ouais, toi c'est vraiment plutôt le côté santé qui t'embête quoi là-dedans. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est pas la VR, elle en est à ses balbutiements à cause de la technique en fait, des idées on en a, mais voilà, tu peux pas proposer un truc, une idée, un concept génial, mais avec une technicité qui nique les yeux. Et c'est ce que ça fait. Quand t'as pas 12 ans, c'est pas fini ta formation. Donc, voilà, c'est pas sain. D'accord. Ouais, c'est pas faux. C'est une problématique effectivement qui est à prendre en compte. Moi, après, personnellement, je trouve que quand même c'est une bonne porte d'entrée. Nintendo, ils n'ont pas l'habitude de faire des choses sans les tester un maximum avant. Je suis très curieux de voir un petit peu la gueule que ça aura, justement, avec, pareil. La définition de l'écran. Je suis vraiment super curieux, en fait. Je pense pas qu'ils aient balancé un truc comme ça sans l'avoir testé un maximum. Après, pareil, mettre mon gosse à 7 ans de long, ils s'en foutent un peu sur leur Nintendo Labo, parce que finalement, ça leur coûte quoi à fabriquer ? C'est un truc en carton avec deux lentilles en plastoc. Ça coûte rien. S'ils se plantent, s'ils en vendent pas, ça coûte. Il n'y a pas d'investissement, contrairement à un casque VR ou une vraie console ou un vrai accessoire. Mais moi, j'espère qu'ils ont bien étudié le truc pour que ça ait un minimum de gueule et que ça donne envie, justement. C'est vraiment une porte d'entrée, parce que comme vous dites, c'est Nintendo, ça a toujours, même s'il y a beaucoup d'adultes, il y a quand même une image plus ludique. Et c'est une porte d'entrée, et derrière, c'est des rats de marée de gamins et d'ados qui vont dire bah, j'ai essayé la VR, c'est franc pourri, quoi. Et puis ça reste, par contre. Ça, c'est toute la technologie VR qui ramasse. Mmh. Ouais, auprès des jeunes générations, en tout cas. Voilà, en plus, ouais. Au niveau des jeunes générations et leurs parents et leurs frères. Après non, ils vont le dire à tout le monde, et puis quand on voit déjà les forums et le nombre de personnes qui ont jamais essayé un casque et qui disent que c'est tout naze, là ça peut augmenter le problème, quoi. Ils font effectivement des trucs de mauvaise qualité, mais après là, les premiers retours qu'il y a, en tout cas, c'est juste le design des éléments qu'il y a dedans. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Il y a l'éléphant. T'as l'éléphant, tu peux regarder dans le cul d'un oiseau aussi. C'est ça, ouais, voilà. c'est bizarre, quoi. Enfin, non, il y a des trucs sympas. Après, t'as l'espèce de gun, le gros gun, la fusil de précision. Là, pareil, un truc aussi gros que le bras d'un gamin de 7 ans. Ouais. Michael Jackson l'aurait adoré, mais bon, ouais. Oh, la polémique, attends, fais gaffe, hein, tu auras des problèmes sinon. Mais enfin, en tout cas, très curieux de voir un petit peu à quoi ça ressemble. On tenait à en parler, en tout cas, ce podcast, parce que ça fait quand même partie des grosses annonces. Ça reste quand même Nintendo, donc ça reste quand même une annonce assez importante. On les attendait, on savait de toute façon depuis 2 ans qu'ils allaient faire quelque chose en VR, qu'ils s'y intéressaient, qu'ils travaillaient dessus. Mais je vous rassure tous, voilà, c'est officiel. N'ayant pas d'enfant, je trouve que c'est hyper positif pour, au final, pour la VR. Hein. Je pense aussi. Hein. Non, mais c'est un bon message. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Ah ouais. T'es pas sûr, en partant du principe que ça va être tout pourri, mais ah ben, c'est pas. Déjà, le Samsung Gear, pour moi, c'est une sous-merde de casque. Donc, derrière, je l'ai essayé. Hein, je l'ai testé plusieurs fois. J'ai failli ne pas prendre le PSVR à cause du Samsung Gear. Ouais, mais l'illusion, l'immersion fonctionne finalement toujours. En tout cas, un téléphone portable, ça peut être un premier outil pour découvrir le concept de la VR. Que ce soit moche ou beau, finalement, quand tu es tombé dedans, que tu as compris que tu étais vraiment dans le jeu et plus en face. Oui. Voilà, mais tu as raison, ça peut dégoûter aussi. C'est ça. Ça dépend comment ça va être amené, en fait, parce que si c'est ludique, c'est bien coloré, c'est sympa en 720p, à mon avis les graphismes vont être, ça va être des graphismes de téléphone portable, hein, voire pire. Si c'est bien foutu et que ça amuse, il faut que ça arrive à amener les enfants et les plus jeunes et les gens qui essayent ce genre de casque à se dire « Ah, finalement, c'est pas mal, j'ai envie d'en essayer un vrai cette fois ». Et que ça n'ait pas l'effet inverse en disant putain, c'est quoi ce dope que j'ai payé 40 boules, que c'est tout en carton et que c'est tout nul, ça me donne la gerbe. Et après, ça va être clair et net, ils vont arriver, ils vont dire la VR, c'est de la merde. Voilà. Donc, bon, en tout cas, on verra. C'est super important la première expérience, en fait. Ouais, donc, mais... On a deux switchers de toute façon dans l'équipe, il y a Sébastien et Okami. Donc, on compte sur eux, en tout cas, pour se dévouer, pour nous faire une petite présentation de ce nouveau Nintendo Lab. Pour finir, moi, je dirais voir un petit peu ce que ça donne. Je dirais que la Switch, ça sera jamais une vraie console VR. C'est juste, il va y avoir des petits trucs, des petites expériences, de rien du tout. C'est pas un casque que tu as sur le nez. C'est une console que tu tiens devant le nez avec tes deux mains. Masque, ouais. Ça se trouve qu'il y aura plus des effets gyroscopiques, mais tu ne seras pas à bouger la tête et à voir le monde. Ça sera plus tu regarderas une bulle, quoi. Et aussi, il faut préciser que Nintendo, donc qui viennent d'annoncer Nintendo Lab, ont dit en même temps que c'était juste leur le premier jet en VR. Donc ça sous-entend clairement qu'ils vont pas s'arrêter là, qu'ils vont aller. Ils tâtent. C'est ça le bon message. Bah de toute façon, avec la Switch, t'as pas 50 solutions. Quand tu vois le processeur qui est embarqué. Ça pique. C'est un téléphone portable. C'est vraiment la puissance d'un téléphone portable. Donc. Voilà. Bon, en tout cas, on verra ça. C'était quand même une petite news quand même assez importante pour le monde de la VR. On espère que ça aura des retombées positives et que Laurent aura tort pour une fois. Attends, non. On sait très bien ce que tu penses. Je dis que c'est à double tranchant et je préfère que ça tourne de l'autre côté, qu'ils en vendent des masses et que tout le monde dise c'est génial et tout, parce que ça serait génial pour la VR. Ouais. Mais il y a ce petit risque de l'autre côté qui m'inquiète aussi. Donc voilà, là pour l'instant je suis vraiment sur le fil et je sais pas de quel côté on va voir quand ça va sortir en fait. Seul le temps nous le dira. Bon, en tout cas, on va passer sur le gros de l'émission. Ah bon? Les triple A. C'est qui le gros? C'est non, je vais pas le dire parce qu'après il va y avoir des dissensions dans l'équipe. Donc, tu veux dire que on fait pas une émission normale, c'est on va pas parler de super jeux comme Kingdom Hearts ou Mini Wood? Ah, peut-être, mais bon, ça sera une surprise pour plus tard. Ah bon, d'accord, ok. non, mais en tout cas, il n'y aura pas de présentation de jeu, ni quoi que ce soit, ni sur l'actualité, ni quoi que ce soit. On va parler des triple A, donc à pas confondre avec AA. Cette blague était complètement pourrie. Mais on l'assume. Alors déjà, on va commencer par le premier débat, on va dire, parce que la définition d'un jeu triple A, c'est quoi? Alors, si j'en crois Wikipédia, dans l'industrie du jeu vidéo, le triple A est un terme de classification utilisé pour les jeux vidéo dotés des budgets de développement et de promotion les plus élevés ou ayant reçu de bonnes évaluations de la part de critiques professionnelles. Les joueurs et la critique s'attendent à ce qu'un titre considéré comme étant de type triple A soit un jeu de grande qualité ou figure parmi les jeux les plus vendus de l'année. Donc voilà, c'est uniquement en fait un terme marketing. On va dire de reconnaissance au niveau de la critique et au niveau des ventes. Et que souvent aussi, vous me dites si vous pensez à la même chose, il est souvent mis en opposition avec les jeux indépendants, qui peuvent être aussi de très très grande qualité, mais qui n'auront pas forcément en fait, le même budget de production, ni les mêmes retours sur investissement, ni le même rouleau compresseur marketing. Donc voilà, il y a vraiment cette distinction à faire. Et puis, c'est aussi un terme valise, on va pas se le cacher. C'est un terme principalement de mode, hein, si on peut dire, qui va nous permettre de mettre toutes les grosses licences et tous les gros jeux très attendus par tous les joueurs dans cette case-là. Créer la hype sur la sortie d'un jeu. Attention, le triple A arrive. Tout le monde s'y jette dessus et voilà. Il y a du marketing derrière. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc du coup, sur un secteur de niche un petit peu comme le PSVR, est-ce qu'on peut déjà parler de triple A selon vous? Est-ce que vous pensez déjà qu'il y a des triple A? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Ah, c'est clair. Qui commence? Alors, si on revient à ta définition, triple A, ça veut dire qu'il y a trois A. C'est trois points importants. Donc le premier point, ce serait que c'est des studios de prestige et de renom. Le deuxième point, ce serait que c'est un jeu à succès. Ça serait même le troisième point. Et l'autre point, ce serait qu'il soit du gros marketing. Très bonne critique. Voilà. Et le problème, c'est que les jeux du catalogue VR, ils n'ont pas de budget. Donc déjà, ils n'ont pas le troisième A. Mais après, on peut comparer ça par rapport au catalogue. Il faut arrêter de comparer toujours le catalogue PSVR au catalogue PS4. Il faut juste comparer le catalogue PSVR à lui-même, parce que c'est sûr que si on attend un triple A comme on a sur PS4 sur le PSVR, on peut attendre encore longtemps, mis à part Resident Evil. Vous en voyez peut-être Borderlands. Attends, ça on en reviendra un petit peu plus tard. Sidion, toi, t'en penses quoi, toi? C'est clair qu'il faut savoir mettre le curseur dès le départ et savoir si on se met sur l'échelle du PSVR seul ou de l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Et si on se base sur l'échelle de l'ensemble de tout ce qu'il y a sur PS4 avec Uncharted et compagnie, PSVR, il n'y a rien, à part Resident Evil finalement, qui est compatible, ouais, effectivement. Donc, pour cette émission, on va quand même essayer de prendre le pari, on va se dire qu'on se met quand même au niveau du PSVR. Nous, bah, ce qu'on oui. peut se considérer. Sinon, en tout cas, c'est sinon on arrête tout de suite. Hein, salut. Bon, bah, merci de nous avoir suivis. Et puis, bah, dans deux semaines. Hein. Ouais. Alors, c'est justement ça. C'est au niveau des AAA. Donc, on va garder des gros studios. Il y a énormément d'indépendants. Et puis par contre des très bonnes critiques, il y en a quand même un paquet dans le catalogue PSVR, donc ce sera des AAA PSVR. Ouais, mais c'est ça, c'est en fait. Ça. Il y a aussi la définition que chacun se fait du AAA finalement, et moi je base ça uniquement sur la thune, le marketing, et puis les moyens qu'il y a eu derrière. Des bonnes critiques, les retours de marque. Non, pas les critiques. Pour moi, un AAA peut être une bouse. FF15 ? Ben, pour moi, c'est, je vois ça. En VR, c'est vrai. Je vois ça que dans une seule direction de AAA, il est, pour moi, c'est un AAA, c'est avant qu'il sorte. Donc, il peut être très mauvais après, pour moi. Mais peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, chacun a sa définition du AAA. Pour moi, je base uniquement sur la thune, tout ce qu'il y a derrière, la machine, les nombres de développeurs, le studio qui soit renommé ou pas, finalement, la thune. Donc, c'est les gros, c'est les gros jeux. Et sur PSVR, encore une fois, il y en a. C'est du jeu, gros jeu bien fat. Il n'y en a pas, il y a des compatibles. Est-ce que des jeux comme Drive Club, qui sont compatibles aussi, Dirt Rally, si on reste dans les jeux de course, sont des AAA ? Ah oui, mais si le studio a fait faillite avant la sortie du jeu, est-ce que c'est un AAA ? Au moment de sa sortie, c'est toujours ça aussi. Est-ce que un jeu devient AAA ? Non. Il est AAA. Il est vendu comme AAA. En plus, voilà, c'est ça. C'est un petit peu. Et aussi tout le côté marketing major, c'est ça, tout à fait. C'est le premier point, et après, et ça va avec, quoi. La grosse machine marketing, voilà. Et là, par contre, au niveau du PSVR, la grosse machine marketing, elle est faite sur des expériences qui sont des faux AAA, en fait. Elles sont faites par Sony aussi, qui met de temps en temps des jeux en avant. Ils mettent Tetris, ils mettent Évasion en avant. Ils mettent Farpoint, bien sûr, Firewall. Déraciné aussi, avec Ghost, les vachement mis en œuvre. Ghost Giant, oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est des AAA ? Non. Ils sont juste là, marketés un peu plus. Il y a un peu plus de pop-up, un peu plus de trailer. GT Sport. Justement, on va faire une petite liste. Donc on aura compris justement que le terme AAA, c'est un mot valise. Chacun aura sa définition et de toute façon, on ne sera pas forcément d'accord sur tous les jeux qui vont être dressés pendant le podcast. Si je vous dis donc Resident Evil 7, est-ce qu'on est d'accord que ça fait partie des premiers AAA qui est sorti sur PSVR à l'époque ? Clairement. Oui, c'est le AAA du PSVR. Voilà. Selon toi, c'est le seul à tes yeux qui est un AAA pour le PSVR. On va vérifier en faisant la liste ensemble, mais a priori, on en a trop pour moi. Donc pour moi, il y en a d'autres. Mais on va voir. En tout cas, c'est le premier. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais Resident Evil, c'est sûr qu'il en fait partie. Tout dépend, encore une fois, obligatoire. Où on met le curseur. Grosse licence, gros studio, grosse vente. Enfin, c'est de toute façon une licence à succès à chaque fois. Et en plus, qu'il y a eu des bons retours critiques. Hein, parce que moi, je reviens là-dessus aussi. Ça fait aussi partie des... de ce qui peut, on va dire, enfoncer le clou dans la classification des AAA. Je pense que quand on fera l'historique des Resident Evil dans 10, 20 générations, il fera partie des meilleurs. Ah ouais, carrément, tu crois ? Je pense, finalement. Ouais, tu vas voir, il va monter, en fait. Il a plein de faiblesses, mais... À son lancement, il a été vachement critiqué parce que les ventes étaient inférieures aux 5 et aux 6. Je crois que là, il est en passe de... Il a déjà dépassé... Il a un côté canonique du scénario qui est sympa, un huis clos quelque part qui fait plaisir. On revient sur Resident, la maison, le côté VR, bien sûr, qui transcende tout. Il mérite, à mon avis, d'être dans les meilleurs. Et à rappeler aussi pour ceux justement qui critiquaient ce jeu-là en disant que c'était pas un vrai Resident parce que c'était un FPS, etc. Faut savoir que le tout premier Resident Evil qui était sorti sur PlayStation, normalement au départ devait être un FPS aussi. Et que pour des limitations techniques, en fait, ils ont été obligés de trouver l'astuce de la caméra fixe pour ce premier jeu en tout cas. Donc finalement, c'est un gros retour aux sources en fait de ce qui était vraiment l'essence première, même avant la sortie du premier jeu, Resident Evil, quoi. Ouais. Regarde, finalement, les résidents, ils ont tout essayé, hein. Ils ont fait les caméras fixes, le TPS. Même Resident Evil 2, il a un patch FPS, donc ils aiment bien tout. Pas officiel, hein. Ah bon? Ah non, je crois pas que ce soit officiel. Non, c'est pas officiel, c'est un mode sur PC. Ah ok. Ah bah j'ignorais. Ouais, sur PS4 par exemple, tu peux pas l'avoir en FPS. Ok. Peut-être qu'ils bossent dessus, hein. Bon. En tout cas. Je l'avais lu ça, mais je savais pas que c'était pas sur PS4. Bon. Non, Ça se trouve. c'est un mode, et je suis même pas sûr que ce soit ultra jouable et Ah ouais, ouais. c'est à mon avis au niveau de la maniabilité, tu dois avoir des petits Ah soucis bah ça après. change tout, ok. Mais je le testerai. J'ai dit déjà au dernier podcast que je devais le tester. Faut que je m'y mette. Ensuite, on va pas le faire par ordre chronologique nécessairement. Hein. C'est vraiment une liste comme ça. Et ça permettra aussi aux nouveaux acquéreurs du PSVR de se faire une idée, on va dire, d'avoir des jeux sans prendre trop de risques s'ils n'ont pas envie de piocher à droite à gauche dans les petits jeux indés. Ou les, voilà. Là, ça va être selon nous, en tout cas, vraiment les gros jeux et savoir si on peut les classer triple A pour le PSVR ou pas. Ensuite, donc, on a Skyrim. Skyrim, donc de Bethesda, qui est sorti il y a quelques années maintenant, je crois qu'il était sorti en 2011 au départ, et qui a eu sa version PSVR, donc c'est une adaptation, contrairement à Resident 7, qui est un jeu qui était prévu pour la VR dès le départ. Là, c'est une Ouais. adaptation d'un jeu plat Ouais. en VR. Est-ce qu'on peut le considérer quand même comme un triple A? Bah, c'est le C'en fantôme, était un. c'en était un, voilà, exactement. C'est le fantôme d'un A. C'en était un sur PS3. Il a eu encore sa version PS4, c'en était toujours un. Sur PSVR, c'en est toujours un. Mais c'est vrai qu'il est un peu vieillissant, mais c'en est un, oui. Proposer un jeu en VR de 50 à 70 heures, avec un nom comme Bethesda derrière, et puis non, ça c'en est un. Oui. Tu peux mettre 200 heures, hein, même. Hein. Ouais. Enfin, au niveau Oui, de durée de vie, oui, Skyrim, il explose tout. Ouais. Sans problème. Bah, en fait, bah, ouais, moi je pense qu'un jeu qui est sorti AAA, en tout cas qui était vendu comme un AAA à l'époque, même 5 ans, 6 ans, 7 ans après, reste un AAA. Oui, non, mais oui, On peut le je dire, pense aussi. mais ouais. En termes de budget, en tout cas, c'était beaucoup moindre puisque tout le développement avait déjà été payé avant. Donc, mais il manque, c'est un fantôme, mais c'en est un, oui, d'accord. Quelques années après, 8 ans ou. Qu'est-ce que tu entends par fantôme, justement? Parce que, uniquement à cause du budget, parce que finalement, c'est une autre équipe de 20 personnes qui ont développé la version VR, je sais pas. Tout simplement. C'est pas. Là, c'est pas péjoratif, c'est juste fantôme chronologiquement, quoi. C'est pas Nicolas Doucet qui en parlait de Skyrim, qui disait qu'il y avait énormément de travail en fait derrière pour l'adaptation. Étonnant. Il me semble qu'il avait été justement impressionné de tout ce qui avait été modifié pour l'adapter à la VR. Et des choses qu'on ne voit pas forcément nous en tant que joueurs en fait. Ah bah oui, tout le gameplay doit être complètement repensé, hein, ça c'est sûr et certain. Et même technologiquement, enfin la reconnaissance de mouvement, c'est une nouvelle façon de penser le gameplay lorsque tu développes ce type de vue en VR. Non, mais oui, Skyrim, oui. Clairement. Il nous en faut bien quelques-uns, donc. Il en faut quelques-uns, après, voilà, on va. Il était vendu On va. 70 euros au lancement. Ouais, c'est vrai. Ouais, putain, ça pique, hein, quand même, hein. Surtout quand tu l'as acheté déjà une fois au moins. Enfin bon. Ensuite, on a dans le même type de jeu, hein, un jeu qui était sorti aussi en plat au départ, Borderlands 2. C'est pareil, ouais. Ben, pareil. C'est la même chose, c'est un jeu qui a déjà été rincé et que. C'était un triple A, c'est un jeu qui est de renom, qui a eu du succès, qui était attendu. Ce qui est bien, c'est que c'est des jeux qui sont connus. Mais Sony nous balance ça c'est assez rapide en fait entre le moment de l'annonce et le moment de la sortie. Donc en fait, on dit putain, il y a Borderlands qui arrive en VR. Mais en fait, Donc c'est, oui. pour répondre à ta première question, c'est quand tu me disais c'est quoi, c'est des fantômes, en fait c'est des ressucés. Et c'est pareil, est-ce que c'est mieux la deuxième fois? Il y a aussi ça, un jeu AAA sur écran plat, est-ce que ça va forcément être un jeu AAA sur en VR? Et là, du point de vue critique, est-ce qu'il va être bien le jeu en fait? On ne sait pas, hein. Mais heureusement, Borderlands et Skyrim, ils fonctionnent très bien en VR. C'est ça, C'est c'est des ça. jeux quand même qui ont été bien pensés et qui ont été bien accueillis en plus. Le fait que ce soit uniquement des adaptations, est-ce que vous pensez pas aussi que ça retire un petit peu de la valeur de ces jeux-là? Ah, sur l'image de la VR ou du PSVR en Sur général. l'image de la VR, le fait d'avoir que des trucs ressucés un petit peu. Après, c'est une tendance qu'on retrouve aussi dans les jeux en plat. Hein. On regarde la Logitech de la Switch, par exemple. Il y a beaucoup d'anciens jeux qui sont en train de ressortir sur cette console-là. Ou même sur la PS4 ou la Xbox, en version plate. Il y a aussi pas mal de remakes, etc. Est-ce que c'est être un petit peu la question générale du podcast, est-ce qu'on peut considérer qu'un jeu voilà, qui était triple A en fait à l'époque peut l'être encore considéré aujourd'hui? Ouais, mais là, Sachant qu'il est peut-être un peu dépassé, un peu. sur le PlayStation VR, sur cette question précise de l'adaptation d'un jeu qui est déjà sorti, il y a toute la notion de risque en fait qui est amortie sur le fait sur une grosse licence que tu adaptes. Sur C'est PlayStation ça. VR, tu as plus de chances quand même que ça marche et à moindre coût quand même, hein, il faut bien toujours le reconnaître. Moi j'ai déjà gueulé là-dessus que moi je voulais des jeux neufs avec des gros budgets, avec des moyens et une lecture d'aujourd'hui. En VR, et ça me manque des mécaniques de jeu qui sont déjà anciennes, même si Borderlands c'est pas si vieux que ça. Ça me gêne en VR, alors que l'immersion devrait être au contraire dans l'autre sens, transcender sur plein de choses. Le fait que quand tu manipules des moves, maintenant l'aim sur Borderlands, et que tu puisses pas faire des choses qui soient naturelles, ça gêne quand même. Au-delà des limites techniques, c'est plus ça qui t'embête. Tu passes outre les graphismes qui piquent un peu parfois. Ce qui est, oui, ce qui est vrai, c'est que la VR, ce que tu gagnes en immersion, ben, finalement, en graphisme, tu le récupères 10 fois ce que tu perds en graphisme. L'immersion rattrape souvent tout. Alors, si tu m'aurais demandé ça quand on a eu le casque, donc en octobre 2016. Ça aurait été clairement donc l'avis d'un joueur PS4 classique, je veux plein de triple A, je veux que tout le monde se lance. Après, quand tu vois comment ça démarre et quand Sony déjà ont commencé à communiquer sur le fait que ce ne serait que des petites expériences, là j'ai franchement pris peur. Après, avec le temps, à force de baigner dedans, tu t'aperçois que c'est pas si simple, hein, parce que les mecs ils vont pas développer un truc sur 4 ans avec une équipe de dingue pour vendre au grand maxi 3 ou 400 000 exemplaires. C'est pas viable économiquement. Et ils vont pas balancer des millions par les fenêtres pour faire plaisir et pour lancer une technologie qui ne leur appartient pas. Bon, je parle des studios. Au final, cette solution qu'ils ont eue avec Wipeout, avec Skyrim, avec Borderlands, c'était une solution viable. C'était soit ils nous balançaient du triple A, mais coupé en 4 épisodes, et ils balançaient le premier épisode à 15 balles. Pour voir si ça mordait et éventuellement après, Continuer. Comme ils ont fait dans Moss par exemple, où c'est pas vraiment un jeu, c'est juste une partie de jeu, enfin c'est un jeu complet, mais je veux dire au niveau de la durée, il est réduit pour justement qu'au niveau des coûts, ce soit rentable. Soit ils se mettent avec une petite équipe, ils prennent un jeu qui a déjà un nom, qui a déjà. Et ça, le catalogue en avait besoin de toute façon, et on n'en avait pas. On continue à en avoir besoin. Moi, si demain il m'annonce encore un jeu PS4, je sais pas, n'importe quoi, une grosse licence, ces licences-là, on en a besoin. Et puis en plus, moi, Skyrim, j'y ai joué sur PS3, je l'ai refait en version sur PS4. Et du coup, quand j'étais tout content de le voir en VR, quoi. J'ai dit putain, déjà je suis fan, donc. Mais est-ce que tu l'as fini aussi? Je l'ai pas, non, je l'ai pas fini parce que j'ai pas le temps. En VR? Mais Ouais, c'est ça. disons que je le connais, donc si par exemple je me pète une jambe et je suis arrêté pendant 2 mois, c'est le genre de truc, voilà, c'est le genre de truc que je me ferais tranquille. C'est un machin. Moi, sur la durée des jeux en ce moment, VR, finalement, j'ai plein de jeux et j'y joue jamais, enfin, j'ai jamais le temps, mais je commence à relativiser vachement. Je me dis que bah, quand tu écris tous les jours sur la VR, sur le PSVR, tu dis que. Non, bah c'est dans plusieurs années quoi que ça sera un truc de incontournable la VR. Et donc Un truc de je me dingue. dis j'ai plein de jeux mais je les ferai. Je sais que je les ferai. Tu sais devenir finir Racket Fury, finir Skyrim, finir des grands jeux Borderlands, ça vaut le coup quoi. Ça vaut quand même le coup. Non, puis ce que tu dis, c'est vrai, on serait juste des joueurs. Tu sors du boulot, tu as un peu le temps, tu vas jouer. Nous, la différence, c'est que quasiment tous les 2 jours ou 3 jours, on a un nouveau jeu. Donc au final, il faut l'essayer, il faut voir ce que ça donne. Et après, forcément, il faut écrire, après, il faut faire des choses. Et puis derrière, tu n'as pas le temps de jouer, en fait. Ça, c'est vraiment justement inhérent à la vie, on va dire, de testeur et de rédacteur. C'est ça. C'est pas forcément la vision qu'auront... Pas du tout. Tous les joueurs. Ouais. Moi, ce que je trouve dommage vis-à-vis des joueurs, malgré que ce soit des très bons jeux, des très bonnes licences et même des très très bonnes adaptations en VR, en tout cas pour Borderlands 2 et Skyrim, c'est que c'est des jeux qui ont déjà été éprouvés. Les gens qui s'intéressent à la VR, c'est des gens qui ont commencé forcément par le jeu vidéo en plat, qui ont été un petit peu lassés et qui les ont déjà certainement terminés. Et donc du coup, est-ce que c'est pas un petit peu dommage aussi, même si c'est un mal nécessaire, est-ce que c'est pas un petit peu dommage de proposer des jeux que tout le monde a déjà terminé, quoi. Skyrim, j'ai terminé, Borderlands 2, personnellement, je les ai tous les deux terminés. J'ai bien aimé rejouer une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures, même une trentaine d'heures pour Skyrim en VR, mais je les terminerai pas, jamais. Parce que je connais l'histoire, et finalement, l'apport de la VR sur ces jeux-là... T'as plus le déroulement de l'histoire, oui, c'est sûr. Moi, je vais répondre... Wipeout, c'est indémodable. Il n'y a pas d'histoire. Ouais. C'est... Borderlands, dans mon cas, je ne l'avais jamais fait. Donc, je suis tout content de découvrir le petit robot Trap... Claptrap. Claptrap, qui me fait mourir de rire. Non, c'est un jeu que j'avais jamais fait sur PS4. Donc, je suis super content d'avoir enfin un vrai... Et je pense qu'il y a plein de joueurs qui ne connaissent pas Skyrim, de plus jeunes peut-être. Et pareil, quoi. Alors, c'est vrai que le gros joueur qui consomme vraiment du jeu sur PS4, c'est pas forcément les licences qui vont le... Contrairement à Resident Evil, qui était tout neuf. C'est vrai. C'est ça. Et toi, Silon, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben, moi, je vais répondre aussi de façon fermée et égoïste. C'est que Skyrim ni Borderlands, je n'y avais joué sur écran plat. Donc, pour moi, c'était tout bénef. Et je suis très content d'avoir découvert ces licences, même. Hein. Les deux, j'avais jamais joué, même aux opus précédents, grâce à la VR. Et encore, dedans, quoi. Pas devant. D'accord, ok, d'accord. Ouais, mais ça va, effectivement. J'ai pris un petit peu mon cas comme une généralité, parce que, quand même, c'est des grosses licences, on le répète. C'est des jeux qui ont été énormément vendus, auxquels beaucoup de joueurs ont déjà mis la main dessus. C'est plus un jeu, c'est un mythe. Ouais. Enfin, toute la série d'ailleurs, que ce soit Borderlands ou les Elder Scrolls, c'est des jeux qui proposent toujours quelque chose en plus en termes d'immersion. Oblivion était plus moche. Mais... Oh, il était beau à la sortie. Hein. Bon, par rapport à Skyrim, bof. Non, mais d'accord, mais il est sorti pas la même année. Ouais. Mais quand il est sorti, Oblivion. J'ai jamais accroché sur le graphisme d'Oblivion. C'était une grosse claque. Hein. Bon, les persos étaient super moches. Ça, c'est un problème des jeux Bethesda. Les déplacements étaient tout pourris en plus. Ah, bon, c'est pas le thème de l'émission, mais je pense qu'il y aura débat aussi là-dessus. Sur des jeux un peu plus de niche, est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme des triple A du PSVR, par exemple? Tu parlais tout à l'heure de Wipeout. On peut ajouter à ça aussi Drive Club, version VR. Dirt Rally, version VR aussi, qui est quand même un des plus gros jeux. De course du PSVR complet exactement. Grand Turismo Sport, je sais pas si on le met dans la même catégorie parce que ça reste qu'une expérience. Si on met Drive Club, on met GTA, hein. Ah, mais Drive Club est complet en VR. Wipeout est complet en VR. Dirt est complet en VR. Grand Turismo, non. C'était donc un piège, monsieur Sey. Eh oui, je savais, il faut savoir. Grand Turismo, alors c'est mieux que Tekken 7, mais c'est pas non plus l'éclate, quoi. Il y a pas mal de bagnoles, ils rajoutent des circuits. Ah, quand même. Mais, on va pas enterrer GT Sport, ça reste une belle expérience. Hein. Ah ben, en VR, qui nous mettent du multi, et ça sera autre chose. Ah ben, ça sera le premier. Hein. S'ils mettent du multi, ça sera le premier. Là, il passera devant tous les autres, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut quand même le considérer comme un triple A du PSVR? Personnellement, moi, je ne le considère pas comme un triple A. Donc, c'est comme Escombat 7, tout récemment. Hein. Ah, pareil. On n'est pas chronologique, pareil. Donc on peut le citer. Ouais. Hein. C'est exactement pareil. Alors, C'est beau, c'est des bons jeux, c'est des gros triple A sur PS4, et ils ont une petite expérience intégrée. C'est des triple A compatibles PSVR, voilà. Point. Voilà. Mais non, ils sont pas compatibles. Resident Evil, c'est un triple A compatible PSVR. Ouais, full compatible. C'est des triple A... Full. avec une cacahuète offerte en VR, juste un niveau pour faire plaisir. Mais oui, comme Tekken. Voilà, alors, Tekken, on n'en parle même pas. Mais en plus, bah, justement, ça dépend. On avait dressé. Oui. Vas-y, je t'écoute. Bah, j'allais dire qu'il y en a qui sont réussis encore des petites expériences VR, PSVR. Ace Combat 7, il est excellent en VR. Ace Combat 7, GT Sport, finalement, c'est très court, finalement. Enfin, puisque. C'est pas moche. Il n'y a pas de challenge. C'est... Mais il n'y a pas d'intérêt. Tekken ouais. 7, c'est quand même nettement moins bon, déjà. On avait listé une série, justement, de jeux qui peuvent être considérés comme donc des très grosses licences, qui ont un gros rouleau compresseur marketing, qui ont bien fonctionné, qui ont eu leur expérience VR, en tout cas leur pendant VR, et qui malheureusement peuvent, bah après chacun donnera son avis, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment être considérés comme des triple A du PSVR? Donc on a Ace Combat 7, on a Tekken 7, Gran Turismo Sport, Final Fantasy Monster ouais, of the Deep, parce que FF15 ça reste quand même un gros triple A. Ça reste quand même Final Fantasy. Ouais, mais Final Fantasy c'est un jeu original pour PSVR. C'est encore différent finalement. Ouais, c'est encore c'est différent. C'est pas incompatible, ouais, c'est un jeu à part. Mais qui utilise juste dans son titre à rallonge Final Fantasy 15 et avant donc Monster of the Deep. Il partage le moteur, il partage l'univers, il partage les personnages, il partage le moteur, les décors, les voix, c'est tout. Hein. Donc, ouais, il peut quand même être considéré comme. Est-ce que la durée aussi, est-ce que la durée du jeu peut rentrer aussi dans la définition du triple A? Bah, c'est pas court, hein, si tu fais tous les défis. Ça dépend du prix. Ça dépend du prix, ouais. Mmh. C'est ce que je dis tout le temps. Personnellement, ça ne me choquera pas d'avoir un jeu de 4 heures si je le paye 15 balles. Est-ce que le prix rentre dans les critères du triple A? Oui, alors. Hein, il faut que ce soit un jeu cher hein, pour que ce soit un triple A. Selon la définition. Non. Bah non, si, justement. Hein. Bah si. Pour un triple A, c'est 70 boules hein, mais... sur PS4. Et quelle est la durée d'un triple A? À partir du moment où on a 10 heures, 15 heures, 20 heures en moyenne, 20 heures c'est déjà la bien. La durée. Ouais. On a déjà un bon jeu. 5 heures, ça suffit. 5 heures, c'est un triple A. 5 heures à 70 boules non. Mais Ace Combat 7, voilà, c'est. Ça dure. Oui, mais là, voilà. Mais là, c'est encore un. Ace Combat 7, c'est l'expérience. C'est vraiment la limite. Hein, c'est des salauds. Disons que pour les gens qui aiment la VR, la pilule, elle est dure à avaler. Hein. Dès que par contre, Ace Combat 7 sera à 10 balles, ils vont en vendre. Voilà, mais il est en promo là. Juste donc, pour son côté. Ruez-vous dessus, ouais. Quoi. Si je le trouve dans un truc d'occasion, je le prendrai. Mais bon, c'est encore autre chose. On balance un gros titre, un gros triple A. Et puis dedans, si vous cliquez sur ce menu, vous aurez une petite friandise pour faire de la VR. Voilà. Mais paradoxe, quoi. Hein, Ace Combat 7, c'est l'expérience. Et la friandise est super bonne, c'est ça. C'est ça, c'est l'expérience de l'année pour l'instant, Ace Combat 7. Ouais. Hein. C'est le truc à faire, quoi. C'est le truc qui est le plus impressionnant en VR ou en général, des dernières semaines, finalement. Bah, c'est exactement comme Battlefront et la mission X-Wing. Ouais. Ouais, c'est bon, on l'a pas mis celui-là. Ouais. Ça nous a moins choqué parce que bon, Battlefront, moi je l'avais perso, donc du coup ça a été un cadeau qui est tombé du ciel. Et puis vu que je suis fan de Star Wars, c'est clair, on avait oublié Star Wars. On l'avait complètement oublié. J'ai vu tomber putain, il va y avoir une mission VR. En plus, c'est gratuit pour ceux qui ont déjà le jeu. Alors là, j'ai remis le jeu dans la console et puis j'ai pas eu cette impression. Alors que pour Ace Combat 7, déjà c'est un jeu que j'aurais pas pris. Si j'étais sur PS4 classique, mais c'est la mission VR qui m'intéressait. C'était l'expérience de piloter un avion de chasse. Bon, après on peut aussi ouais, mais là c'est un peu de l'arnaque, des jeux gratos mais qui sont tirés de grosses licences, par exemple Kingdom Hearts 3, on est tous d'accord pour dire que c'est un triple A en plat. Oh là là. Oui, bien sûr. Un gros budget, oui. Un gros studio, oui. Mais on est très, d'accord très pour beau, dire que très, très qu'en VR, en VR, non, quoi. Alors, la pilule, elle passe parce que c'est gratuit. Ouais. Mais c'est nul, quoi. Last Guardian, pareil, sauf que, bon, l'expérience est pas mal, mais ça dure 20 minutes, c'est... Alors, il y a un effort, quand même, il y a quelque chose. Ouais, alors que Kingdom, c'est juste de la pub, hein. The Last Guardian, c'était que le cadeau de Noël de 2017 ou 2018 2017 donc, Kingdom Hearts 3, vous l'avez essayé d'ailleurs? L'expérience? Non. Kingdom Hearts 3 Sillion, il l'a fait, je crois. Oui, je crois que j'ai vacciné tout le monde. Bah, tu nous as tellement dit que c'était tout pourri que je l'ai même pas allumé en fait. Non, ça veut. Enfin... Mais j'ai le jeu, hein. J'ai le vrai jeu. C'est pas. Moi, c'est une pub. Après, aller voir Mickey Donald, je m'en fous. C'est la pub d'un triple A, mais c'est pas un triple A. Je l'ai essayé, j'ai trouvé ça assez malaisant en fait, de proposer un truc comme ça, même s'il est gratos, pour une licence pareille. Je sais pas si t'as ressenti la même chose, Silu, en fait. Moi, j'avais fait le premier à l'époque sur PS2. Et j'avais pas continué après. Et puis après, c'est parti tellement en sucette au niveau du scénario que je me sentais pas de reprendre la t'as saga. Décroché, mais j'ai trouvé ça très mal. Au bout de combien de secondes? Ouais, au premier, en fait. Au premier, ouais, en plus, le truc, c'est que t'as intérêt d'être constant quand il joue, hein, si tu veux comprendre. Mais ouais, je l'ai trouvé vraiment malaisante, en fait, ce Kingdom Hearts 3. Je comprends pas, en fait, le but de proposer un truc comme ça. Même pour les fans de la première heure, parce que tu revis l'intro de... Dans la deuxième mission, tu revis l'intro du premier Kingdom Hearts. J'ai l'impression que c'est un crachat à la gueule même des gens qui aiment le PSVR et qui aiment la licence. Il y a une idée de départ, je pense. Je vois bien Shuai Uchida qui demande à Square, bon, bah, vous me faites trois jeux VSP, jeux PSVR sur 2 ans. Et ils font Final Fantasy, ils font ça. Pas convaincu en tout cas que ce soit la bonne méthode pour démocratiser le PSVR, en tout cas, de proposer des trucs comme non ça. Non, c'était comme Spider-Man Homecoming. Cette fois-là, c'était pour faire la promo d'un film. C'est offert, mais au final on le voit sur les critiques sur le site, dans les commentaires, les gens, ils le téléchargent, ils voient que ça dure 3 minutes et puis ils le foutent à la poubelle derrière, et puis après ils disent c'est quoi cette merde. Donc, est-ce que ça donne envie d'aller voir le film? Je suis même pas sûr. Ah non. et l'expérience VR, est-ce que ça donne envie de... Bon, les fans, ils l'auront de toute façon. Donc, à quoi elle sert? C'est le Kingdom Hearts. Effectivement. Ouais. C'est des choix marketing un petit peu douteux. On s'éloigne. Pour revenir, du coup, des triple A, ouais. du coup, voilà, parfait. Du coup, pour revenir un petit peu dans le thème. Doom VFR, ouais. Triple A ou pas triple A? Oh, il est pas long, lui. Hein. Ah, il est pas long, non, il dure. Oh, attends, je l'ai fini il y a un paquet de temps. Mais, faut pas confondre jeu et licence triple A. Mais est-ce que ça existe une licence triple A? Mais voilà, Doom, c'est pareil, c'est un nom, quoi. C'est pareil, mais ça n'a pas coûté. C'est bien qu'il soit dans le catalogue, Doom. Oh, moi, je l'aime bien, très bien. Mais ça peut pas être considéré comme un triple A selon vous, même à l'échelle du PSVR. Si, à l'échelle du PSVR, pour moi, c'est un triple A. Ouais, bon, moi je le mettrais pas dans les triple A, celui-là. Et j'ai l'impression que c'est assez réducteur ce que je dis, là, en le disant. Je me dis que c'est peut-être pas terrible, en fait, justement, de rabaisser, en quelque sorte, la notion de triple A au PSVR, tu vois. C'est-à-dire qu'un jeu peut pas sortir sur PSVR et avoir les mêmes prétentions... de développement qu'un voilà, jeu plat, Resident Evil, et bonsoir. Déjà d'entrée, c'est pas possible. Comme les budgets sont tellement réduits sur une technologie qui vient juste de naître, qu'on peut pas comparer les deux. Resident Evil, c'est vraiment un cas, mais c'est le seul. C'est le seul qui a été développé pour les deux en même temps et qui est sorti en même temps. Les autres, c'est soit des adaptations, donc bon. Dans le même genre, je pensais aussi à Batman Arkham VR et Rise of the Tomb Raider aussi, le truc qui était sorti, c'était une expérience, pareil. Bah, c'est un bonbon dans le jeu. C'est pas deux étudiants qui ont fait ça, non? Non. Bah, ils sont bons alors les étudiants quand même, parce que l'un comme l'autre, c'est quand même des je veux dire, c'est des tout petits budgets et la longueur des titres. Et forcément proportionnel aussi au petit budget, quoi. C'était limité, mais c'était vachement bien, hein. Mais à faire une fois, c'est tellement éphémère. C'est vrai. Et puis tu te balades dans le manoir dans Rise of the Tomb Raider, t'attends autre chose que ça, quoi, en VR. Non, moi celui-là je l'avais aussi, donc j'étais content d'avoir une expérience gratos, mais bon, c'est un mauvais bonbon qui est caché dans un gros jeu, là, cette fois. Non, pour d'accord. Moi, un truc comme ça arrive même pas à la cheville d'un F. Valkyrie, quoi. Donc vous voyez, finalement, on est en train d'énumérer aussi pas mal de AAA qui sont mauvais, comme jeu, ou en termes généraux. Donc ça dépend pas de la critique, c'est, c'est juste le budget, quoi. Un mauvais AAA, ça existe. Enfin, ouais, et le curseur aussi, ce que tu mets justement dans ce terme à triple A ou pas. Par exemple, le dernier, Astrobot. Est-ce qu'on peut le considérer comme un triple A du PSVR ou pas? Quand même, parce que budget je sais pas du tout combien ça a coûté. On n'a pas pensé à demander à Nicolas quand on l'a accueilli, mais par contre gros marketing derrière, c'est quand même un fer de lance du PSVR. Très bon accueil. Je sais que toi Cylian tu veux pas forcément mettre ce critère là dans la reconnaissance du triple A ou pas, mais la qualité, la durée qui est en accord en plus avec le prix de vente. Gros studio, c'est quand même Japan Studio qui s'en est occupé. Est-ce qu'on peut pas le considérer quand même comme le deuxième triple A? Parce que finalement, hein, on a tout coché, on a tout viré, hein, des triple A depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut pas le considérer avec Resident Evil 7 comme le deuxième triple A du PSVR? Je sais pas, moi, Astrobot, j'ai tellement d'amour pour ce jeu qui en offre tellement en échange avec ce petit robot qui te suit tout le long de l'histoire, que j'ai pas envie de le mettre dans les triple jeux AAA. Pour moi, c'est un petit jeu conçu de A à Z pour la VR par une petite équipe, une fine équipe guidée par Nicolas. Et je le vois plus comme le don de Sony pour le PSVR sur sa génération. Astrobot, c'est le meilleur ambassadeur de la VR en général. C'est pas pour moi, j'ai pas envie de. Je le vois pas comme un AAA, quoi. C'est pas un gros jeu marketé, c'est un bon jeu, tu le vois là aussi que c'est pas non plus un budget de dingue, les textures sont magnifiques, tout est de bonne qualité, mais c'est pas, t'as pas des doublages de fou, t'as pas des musiques épiques, il y a eu quand même beaucoup de marketing, mais à l'échelle du PSVR, donc... Mais il y a quand même un degré de finition dans celui-là qui est supérieur à la moyenne. Hein. Bah, on peut pas se le cacher, clairement. Critique, si on parle que de la critique, c'est peut-être le meilleur. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez pensé à d'autres jeux que vous auriez envie, en tout cas, ou vous pensez qu'ils pourraient faire partie de cette catégorie de triple A. N'hésitez pas à nous le dire. Et puis, si vous êtes d'accord un petit peu avec nos conclusions sur ces premiers jeux. Pour le PC, normalement, il y a Spanx qui devait participer, il a eu un contretemps, il devait participer à ce podcast-là. On devait parler aussi des AAA qui avaient, succinctement, hein, qui avaient sur PC. On pensait à Fallout 4 aussi, qui est un jeu de Bethesda, qui est une adaptation aussi d'un jeu qui est déjà sorti sur écran plat. Skyrim. Skyrim, oui, mais ça, on en a déjà parlé pour le PSVR, mais c'est vrai que finalement, c'est exactement la même chose. Des jeux, gros jeux de bagnole, Project Cars 2, mais est-ce que ça peut pas être considéré au départ déjà comme un jeu indépendant, sachant que c'était fait par une équipe de Codemaster, enfin non, des développeurs en fait qui s'étaient barrés de Codemaster ou Electronic Arts. Donc tu vois, c'est qu'une question de budget en fait. C'est quand même un gros budget aussi. Project Cars 2. Donc comment veux-tu finalement c'est que ça, de l'estimation. Hein. Et Robo Recall aussi qui est un fer de lance de l'Oculus. Oui. Qui a eu aussi un gros marketing et qui a été. On l'envie celui-là sur toutes les plateformes. Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt sympa pour l'avoir essayé 2-3 fois. C'est vrai qu'il est vraiment efficace, mais en plus, surtout, il a un rayonnement dans la VR. Il est resté quand même assez longtemps. Il est toujours d'ailleurs considéré comme un des meilleurs jeux sur PC en VR en tout cas. Et donc, de par cette définition que tu viens de faire, est-ce que ça veut dire que des studios indépendants sont exclus du club des jeux PSVR, des jeux AA comme donc Beat Saber, Super Hot VR, Farpoint, ça a été parrainé Sony, mais avec l'AIM en plus, tout le côté marketé de l'AIM. Est-ce que Farpoint c'est un AA d'ailleurs énorme. Alors je sais pas, mais Ils l'ont vendu comme un AA, mais c'est pas un budget AA, mais pourtant il était bon. Mais c'est pas un top 90, quoi. C'est un 85, 89%. Mmh. Enfin. Mais Moi, clairement, Farpoint, Astrobot, Moss, Superhot, pour moi, c'est des triple A du PSVR. Pour moi. Ah ouais. Donc tu mets pas du tout la thune en jeu. Voilà, c'est ça. Tu mets pas le côté marketing derrière. Non. Je mets plus en avant parce que finalement, triple A, si on met la thune en jeu. Tous les gros studios ont commencé petits et ont fait des bons jeux aussi. Quand tu vois qu'il y a des équipes où ils sont deux, ils arrivent déjà je crois que l'équipe de Moss, ils sont pas nombreux, ils sont 6 ou 7. Mmh. Ils mettent la tannée à des gros studios, quoi. Donc voilà. Non, ça, je le prends pas en compte. La thune investie, les jeux de PSVR, je la prends pas en compte parce qu'il n'y a aucun jeu où il y a eu un vrai investissement. Mis à part Resident, mais ils ont amorti sur la partie PS4, c'était pas pareil. Donc ça rentre pas en compte non plus. Après la critique, il y a un petit groupe de 10 jeux ou voire 15 jeux qui sont vraiment au-dessus de l'ensemble du catalogue. Bah justement, donc on répète encore, la définition du triple A, c'est quelque chose d'assez nébuleux, finalement. Mais bah ouais, famille PSVR, c'est Resident, famille VR tout court, c'est Skyrim. C'est ça, les triple A. Mais, et du coup, est-ce que, selon ce qu'on s'est dit là depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on considère Resident 7 à la limite comme le vrai triple A du PSVR, Astrobot à la limite, Skyrim et Borderlands 2, ce genre de jeux là, on peut considérer que les anciens jeux adaptés en VR peuvent être considérés encore comme des AAA pour le PSVR. Ouais. Mais j'ai une question, c'est pourquoi il y en a si peu sur PSVR et même en VR en général, hein, que ce soit sur PC ou sur console. Comment ça se fait qu'on a si peu de AAA selon vous? Moi je dirais y a deux réponses à cette question. La première, il y en a si peu parce que développer un gros jeu, bah, si tu prends, je sais pas moi, un GTA, c'est un truc qui coûte 60 millions de dollars en développement, voire plus. Donc forcément, c'est pas possible. Ils vont pas investir une somme pareille pour un parc de 1 million de PSVR, maintenant 4 ou 5. Mais c'est pas suffisant. Pour ça, il faudrait qu'ils arrivent à vendre la licence sur des millions et des millions pour amortir. Par contre, pourquoi il n'y a pas plus d'anciens jeux AAA qui sont adaptés à la manière de Skyrim, de Borderlands? Ça, j'ai pas la réponse. Parce que quand on voit que Wipeout a été développé par une équipe très réduite, c'est pas quelque chose qui est vraiment coûteux. Et finalement, là, dans ce sens-là, ça peut être rentable. Surtout, on a tous eu nos époques PS3, PS4, on a tous nos licences qu'on adore et on sait très bien que si une certaine grosse licence déboulait sur le PlayStation VR, on serait les premiers à sauter au plafond. C'est presque un reproche, c'est que quand on voit maintenant avec le temps, avec le recul, tout le catalogue existant du PSVR, j'aurais aimé qu'ils engrainent un petit peu, qu'ils en sortent plus souvent des choses comme ça. Qui nous balance, je sais pas moi, il y a des tonnes de licences. On parlait tout à l'heure de l'expérience de The Last Guardian. C'est un truc qui aurait pu super bien marcher en VR. Pour quelque chose d'un peu plus long, quoi. Voilà. Bah, le jeu total, moi, le jeu complet. Le jeu complet est existant, bah, de trouver un moyen avec une équipe réduite de 5-6 personnes, sur une année par exemple, bah, ces 5 personnes, on va les mettre là-dessus et ils vont nous faire le jeu. Et là, je pense que si tu pars à 300-400 000 ventes, maintenant peut-être plus, parce qu'il y a beaucoup plus de PSVR, c'est rentable. Tu penses, franchement, enfin, The Last Guardian, je ne sais pas, c'est quand même un jeu un petit peu particulier. Hein. Est-ce que tu penses que c'est le premier genre de jeu qui devrait être adapté pour le PSVR, sachant que déjà le jeu, je ne sais même pas s'il s'est si bien vendu que ça sur PS4 normal. Ça serait pas un petit peu risqué, il a été présenté comme un triple A et il est quand même très bien le jeu, mais je peux comprendre qu'on l'aime pas, hein. Par contre ça, il est, oui, mais des grosses licences, il y aurait quoi, qu'est-ce que ça donnerait, quoi, un God of War en VR? Moi je verrais bien franchement un God of War vraiment à l'ancienne, hein, c'est-à-dire comme ceux qui étaient sortis sur PS2, vu du dessus, c'est en mode maison de poupée, mais tu vois, avec les la caméra que tu suis un petit peu donc avec ta tête. Et vu du dessus, donc ça éviterait d'avoir le motion sickness. Ça pourrait marcher. Ouais, hein. Et ça pourrait donner un effet un petit peu vraiment sympa, à mon avis. D'ailleurs, c'est quoi les jeux les plus vendus de la PS4, tiens. Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Parce que c'est quoi, un FIFA? Non. Ouais, enfin après l'intérêt d'un un Call of Duty. Un Call of, ouais. Moi je l'ai toujours dit. Hein, ouais. Call of, une petite compilation des modes solo, même des premiers Call of en VR, ça serait de la balle, hein, franchement. Ça serait vraiment de la balle, à moindre frais en plus. Hein. Sinon, t'en penses quoi, toi? Pourquoi y a-t-il si peu de jeux PSVR? Mais finalement. Bon, déjà, encore une fois, je me resitue dans la durée, c'est qu'on est au balbutiement et que j'ai rongé mon frein sur cette génération quand même, quelque T'es part. Un fataliste. Et que finalement, pourquoi y en a-t-il si peu? Mais y en a-t-il si peu? Si on prend un pourcentage et qu'on se remet à l'échelle du PSVR, finalement, il n'y en a pas si peu. Il y a quand même beaucoup de bons gros jeux. Si tu prends le parc entier de jeux PS4, il n'y en a pas tant que ça non plus des jeux Donc voilà, je suis confiant aussi de ce côté-là. Mais est-ce que un jeu encore une fois, est en fait, pour ainsi dire, un bon jeu? Un je bon suis jeu. Pas sûr. Et il y a quand même des belles petites perles dans notre petit parc qui grossit de jeux et expériences PSVR. Et donc voilà, c'est pas forcément un gros jeu qui est un bon jeu. Il faut savoir faire le tri et bien le faire, quoi. C'est bien de le rappeler, ça, justement. Il y a quand même des petites pépites d'indé, justement, qui ont des idées et qui le font bien. Bon, c'est des grosses merdes, hein, qui sortent, hein, ça, faut pas se le cacher. Mais c'est vrai que même si on veut un petit peu de la licence, t'es acquéreur, on va dire, depuis pas longtemps du casque PSVR, même depuis 2 ans, je veux dire, t'as quand même de quoi faire. Hein, rien qu'avec les jeux qu'on a cités depuis le début du podcast, t'as vraiment de quoi faire. Ce qui me gêne, moi, c'est que les gros studios, par souci financier, par peur du risque, en fait, n'osent pas et vont plus vers les jeux compatibles, vers des adaptations de ce qu'ils ont déjà fait. Et c'est pas forcément ce qui est fait, par contre, pour la VR. Alors que de l'autre côté, tu as des studios indépendants qui, eux, par contre, partent d'une idée VR, qui n'ont pas les moyens de ces gros studios. Ils partent plus d'un concept. Et ils sont plus libres et ils n'ont pas les moyens pour aller jusqu'au bout. Et c'est dommage que. Enfin, il y a heureusement des bons gros jeux qui sont aussi faits pour la VR. Hein, et Astro Bot, à ce moment-là, oui, c'en est un. Mais ça m'embête, les gros sous n'expérimentent pas assez, en fait. Et c'est peut-être justement, tu as peut-être mis le doigt justement sur le principal problème. Ouais. Enfin, le principal problème, et ça colle pile poil avec les triple A, c'est que si tu prends Santa Monica par exemple, qui on sait ont développé, je sais plus comment il s'appelle le truc de taxi, Zombie Taxi, je sais plus comment il s'appelait ce truc là. Le jeu était quasiment fait, il avait même été annoncé pour sortir, on l'a jamais vu. Et il y a eu aussi des rumeurs comme quoi ils étaient en train de préparer justement un gros jeu pour le PSVR. Et puis en fait, ces petits jeux qui rapportent pas forcément grand-chose, en fait, ce que je veux dire, c'est que des studios importants avec un grand nombre de personnes, eh ben, ils sont tous récupérés pour travailler sur un triple A comme God of War. Où, en fait, c'est tout le monde dans le studio qui va bosser sur ce jeu. Ils sont pas à se dire on est un méga studio, mais on va créer quelques petits studios satellites, des petites équipes de 5 qui feront partie de notre studio, un petit peu comme a fait Japan Studio avec Azobi, d'avoir des petites équipes. Nous, on s'occupe du gros triple A God of War, et puis vous êtes 4-5, vous avez comme mission de nous sortir un bon truc sur le PSVR, quoi, et puis voilà, et là ça pourrait fonctionner. En fait, les gros studios en fait ne développent aussi pas sur PSVR parce qu'ils sont monopolisés par des triple A de dingue, il leur faut 5 ans pour les faire, il y a des investissements de malades et ils mettent tout le monde dessus, quoi. Ouais, oui, ou alors ils mettent donc comme tu dis une petite équipe et puis ils nous font des trucs un peu bancals à la Ace Combat 7 ou à la Gran Turismo Sport, quoi. Non, parce que moi aussi ils étaient 5. Et c'est tous pourquoi il y a autant de petits studios qui se lancent aujourd'hui, c'est tous des gens qui travaillaient dans des gros studios, qui ont travaillé sur des gros jeux. L'équipe de Moss, je sais pas si vous avez vu leur pedigree, mais c'est un truc de fou. Et puis un jour ils ont dit, putain, il y a la VR qui se lance, qu'est-ce qu'on fait? On en a marre, ils se barrent, ils montent leur truc. Ils sont 5 copains et puis ils se disent, allez, on sait faire un jeu. Donc à 5, on va s'en sortir. Et c'est un nouvel Eldorado, c'est une nouvelle technologie. C'est maintenant qu'il faut qu'ils se lancent de toute façon. Alors, il y en a un paquet qui vont couler. Hein. Mais ceux qui vont rester derrière, quand on voit Survios qui a quand même reçu 50 millions de dollars d'investissement de la part de la MGM pour créer des jeux, alors qu'ils sont que deux. Ils sont que deux. En fait, les deux petits gars de Los Angeles, ils ont monté leur truc, ils ont bossé comme des tarés, ils ont sorti, parce qu'ils sont que deux, bon maintenant ils doivent être plus nombreux, mais ils ont sorti tous les jeux Creed, Sprint Vector, Raw Data, et puis là ils se sont fait remarquer par des studios de cinéma, ils sont bien placés géographiquement, et puis ils ont eu 50 millions de dollars. Ouais. Et tu penses qu'ils ont quelque chose justement dans les tuyaux là ? Eh ben, moi, ce que je pense, c'est que certains studios qui ont cette somme-là en trésorerie, dans quelques années, ils seront peut-être 500 développeurs. Parce qu'avec 50 millions à deux personnes, même s'ils sont 10, même s'ils sont 15, ils ont 15 ans d'avance, 20 ans à travailler pour développer des projets. Mais bon, truc de barjo. Même si les moyens sont là, le déclencheur du jeu AAA, pourquoi, quand est-ce qu'il y aura plein de jeux AAA en VR, c'est quand justement le curseur du parc de consommateurs sera à un niveau rentable pour ces gros studios. Et c'est pas encore le cas, hein, c'est tout. Il faut encore impatienter un petit peu. C'est ça. Mais c'est ça. Il y a combien de casques VR ? Admettons qu'il y ait 5 millions de PSVR dans le monde. Il y en ait à peu près 5 millions aussi, on va dire, PCVR et puis Oculus. Donc on est à quoi ? 10, 12 millions de casques. Et combien de joueurs actifs ? Combien de joueurs actifs dessus ? Et combien de joueurs actifs qui n'ont pas le casque dans un tiroir ? Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est quand il y a un gros triple A de renom qui sort, les types ils vont jouer pendant 50 heures sur leur console à God of War ou à Assassin's Creed, et pendant ce temps-là, ils ne vont pas toucher à leur casque. Donc au final, en tant qu'investisseur sur un jeu, on va se dire, le jour où tout le monde aura un casque chez soi, là, ceux qui ont l'argent, parce que les gros studios en plus ils sont tous en bourse, donc derrière c'est qui fait la loi, c'est pas le chef d'entreprise, hein, c'est les actionnaires, c'est le conseil d'administration qui va dire on fait ça, mais il faut qu'on gagne des thunes, il faut que notre compte de bourse il monte. Donc voilà. Et là en plus on est en plein dedans, surtout dans cette catégorie de jeux, c'est vrai qu'il faut un retour sur investissement béton. Obligatoire. Sinon ils y vont pas, alors qu'un petit studio ils sortent de l'école, allez on va la fleur au fusil, voilà, on n'a rien à perdre, on y va, on a deux ordi, allez pendant deux ans on va bosser comme des nazes, on va sortir un truc, on va faire du mieux qu'on peut, ils ont les compétences. Et puis derrière ils vont faire quoi, ils vont faire un peu de bénéfices parce qu'ils ont que deux salaires à sortir. Ils ont travaillé deux ans, allez, s'ils arrivent à récupérer, 150 000 euros, ça leur paye leurs deux années de travail, et derrière, ils ont encore un peu d'argent pour investir sur le suivant. C'est pas du tout les mêmes. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement avec les gros, et du coup, c'est là où je dis que c'est dommage, ce modèle économique, et je pense que là-dessus, Japan Studios sont très bons. Finalement, quand tu as des studios qui deviennent si gros comme Electronic Arts, comme Ubisoft, d'essayer d'avoir des petites équipes, même des gens à mi-temps, des pseudo-équipes qui sont tamponnées Ubisoft sans l'être, et leur laisser un peu de liberté avant qu'ils rentrent dans le gros truc, dans la grosse machine, d'essayer d'avoir des petits studios indépendants autour des gros et qui soient quand même soutenus par les gros et justement de produire aussi d'autres choses et faire des essais, parce que c'est comme ça aussi que va se construire la VR. Il y a des erreurs et puis dans quelques temps on va savoir, c'est comme ça qu'on va comprendre des mécaniques qui fonctionnent très bien en VR et pas du tout. Beat Saber par exemple, le jeu en lui-même, si tu regardes le jeu en lui-même, c'est pas grand chose. C'est vrai que c'est un petit peu de l'indé que vient la fraîcheur, hein. Mais que ce soit en VR ou de manière générale, même là je vais extrapoler, hein, mais dans les jeux en plat, on se rend compte que depuis quand même quelques années, notamment depuis la sortie de la PS3 et de la Xbox 360, on reste vraiment dans des pantoufles de production de jeux AAA qui prennent pas de risques en fait finalement, qui sont impressionnants techniquement, ça en devient qui pénible. Sont qui là, tu quand ils jouent, c'était vraiment sur des rails en fait, à des réflexes de gameplay qui fonctionnent bien, en plus que tu prends plaisir à y jouer. Je pense au Assassin's Creed, ouais, j'adore. Exactement. T'en prends plein la tronche, mais finalement en fait t'as pas de risque derrière. T'as... C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Ce sont des itérations de meilleure qualité technique finalement. C'est toujours le même jeu que tu refais, mais en plus beau, en encore plus grand, en plus fort. Et c'est assez contradictoire avec la VR, enfin en tout cas le PSVR. Ouais, ouais, ça, justement, qui se veut innovante, justement. C'est clair, tout à fait. Tu as mis le point aussi sur une des dimensions du jeu AA, en fait. C'est aussi ça. C'est son... Et ça a tendance en plus à scléroser un petit peu, justement, tout le marché. Et c'est pour ça qu'on revoit de plus en plus un revival en fait des jeux indés, et même des jeux carrément old school. Hein. Tu vois les derniers jeux qui ont eu des gros succès critiques, c'est si on veut revenir à la génération précédente, c'est du Super Meat Boy, c'est des petits jeux en fait qui proposaient quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau, de vieux, mais de ouais, il réinventait un petit peu ressorti du placard. Voilà, c'est ça. Il réinventait un petit peu la roue, tu vois, mais qui fonctionnait bien, tu vois. Les Metroidvania, t'en as de plus en plus. T'as qu'à prendre un petit peu le catalogue de la Switch. C'est que de l'indé quasiment qu'il y a dessus, et en plus de bonne qualité. Hein. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Cillion, en fait, c'est même la définition même du PSVR, c'est l'innovation. Alors, est-ce que les AAA ont vraiment leur place sur le PSVR? Je suis même pas sûr, hein, en fait, finalement. Leur place, s'ils l'ont, c'est sûr. Par contre, c'est sûr que s'il faut qu'ils nous rebalancent, encore un Assassin's Creed à la troisième personne, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, mais... Moi, j'achète, hein, je suis fan. Donc, ça pourrait être bien, ouais. En bon pigeon, je veux dire, tu me mets Assassin's Creed Odyssey, là, celui que je fais en ce moment en VR. Je les ai tous faits, je peux plus me les voir. Je l'ai acheté le dernier, j'y ai pas joué. Mais je débranche le cerveau, hein. Et voilà, après, comme tu disais tout à l'heure, en fait, t'es vraiment dans des pantoufles et tu réfléchis plus. Hein. C'est comme Far Cry, c'est qu'il faut toujours monter en haut de ces pyramides pour débloquer une partie de la map, mais ça me sort par les trous de nez, quoi. Ouais. J'en peux plus. Bah, ça, c'est la méthode Ubisoft, hein. Enfin, c'est la recette, ouais. Ubisoft. Assassin's Creed, c'était un peu... Bon, t'en as fait un, t'en as fait deux, le 1, il était plein de défauts, le 2 était mieux, après, c'était mieux. Tu vois, alors est-ce que c'est pas la VR qui me rend comme ça? Parce qu'avant, j'aurais sauté dessus et je l'aurais fini. Et là, maintenant, je m'éclate plus avec un casque qu'avec des jeux magnifiques en 4K devant moi. La réalité, elle est là. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de Beat Saber. Techniquement, Beat Saber, c'est naze. Bah, c'est rien, oui. Mais le concept derrière, il vaut de l'or. Il est en béton. C'est ça. Ça se recentre plus sur le gameplay, en fait. Et au final, ben, on retrouve avec la VR des... C'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont en train de... Certains studios qui creusent et qui nous sortent des trucs un peu qu'on n'attendait pas, et qui n'existent pas sur PS4 surtout. Et puis on se dit, putain, c'est une idée géniale. Maintenant, c'est plus ça que j'attends. Et une amélioration technique pour les graphismes, et puis c'est tout gagné, quoi. Donc est-ce qu'on pourrait pas se dire que finalement, l'invention de nouveaux gameplay est en totale contradiction justement avec la définition du triple A, et que c'est pour ça justement qu'il n'y en a pas tant que ça sur les nouvelles technologies? Ouais, c'est bien triste, mais c'est la vérité, ouais. C'est clair. Que le fait de vous... Bah justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc toutes ces entreprises qui sont toutes classées en bourse, c'est risque zéro, parce que le chef d'entreprise, comme je disais, fait partie du conseil d'administration. Ils sont 12 aux États-Unis, je crois qu'ils sont 12. Sur les 11, il y en a qui disent « Oula, mais tu veux prendre un risque, toi ?» Non, nous, on ne prend pas de risque. Non, on vend un truc. C'est un peu le même système qu'on a au cinéma. Au cinéma, on va te sortir un film. C'est une licence à succès. On va te répondre à un scénario pré-mâché, parce qu'il ne faut pas prendre de risque, il faut gagner du blé. Et finalement, je suis d'accord, ça étouffe tout. Et c'est là où les gros studios devraient former des petites équipes et dire surprenez-moi, faites-moi un truc. C'est pas grave, on le finance. Vous êtes que 5, ça fait 5 salaires sur un an, mais sortez-moi un truc de dingue, quoi. Ils le prennent même plus, ce risque-là. Ils te sortent Electronic Arts, ils te sortent un Battlefront, ils te sortent un Battlefront 2. Derrière, tu sens que tu as les investisseurs qui ont dit « Ah, on pourrait leur mettre des petits trucs pour les niquer un peu mieux, pour gagner plus de blé, des loot box, des trucs... » mais tu sens qu'au final, c'est le même jeu, en fait. Mmh. C'est fait avec un joli package et des magnifiques designs et des magnifiques graphismes. Mais tu vois, les Metro Exodus, Anthem, tous ces trucs-là qui vont sortir, ils sont magnifiques. Tu vois les trailers, tu dis putain, c'est génial, quoi. Mais en fait, à y jouer, tu vas avoir forcément une impression de déjà vu en y jouant. T'as l'ennui un petit peu. Et c'est ça, au bout d'un moment, tu dis. Bon, j'en ai écoulé des jeux comme ça. C'est vrai, sur PS3 ou sur PS2, ça m'éclatait. Mais bon, ils sont juste plus jolis, quoi. Mmh. Ouais, c'est peut-être aussi certainement pour ça que les gens qui sont un petit peu lassés justement de tous ces gameplays, on va dire un petit peu trop dirigistes, vont plus soit vers le jeu indé, soit vers la VR justement. Le Call of, c'est pareil, c'est toujours pareil. Ah bah Call of, moi je peux plus, je peux plus. Ouais. J'adorais, je les ai, enfin tous les premiers, du premier au dernier, je crois que c'était Black Ops que j'avais fait, et puis après j'ai complètement décroché, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement d'ailleurs. Et justement, j'ai une dernière question, c'est est-ce que selon vous, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de jeux qu'on peut considérer triple A sur la prochaine gen? Est-ce que vous pensez que justement que la gen PS5, ça va, il y a des mécaniques qui vont se mettre en place forcément, il y a déjà des bonnes idées qui sont sorties, on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, surtout quand on a le côté analytique en fait du développeur. Est-ce que vous pensez que les gros studios vont être capables de prendre des risques? Et est-ce que vous pensez aussi que des développements de jeux VR de gros studios ont déjà commencé maintenant pour être disponibles sur la prochaine génération? Moi, je pense que oui, parce que la PS5 devrait, selon les premières rumeurs, être vraiment orientée VR. Donc, ils sont vachement committed. Et ça va prendre. Microsoft ne suit pas. Laurent a peut-être en parlé, mais Nintendo, ils viennent de donner un message positif là-dessus. Donc, ça va dans le bon sens. Mmh. Donc, de toute façon, il peut y en avoir que plus, hein, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu beaucoup. Ouais, hein. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est exponentiel. On a démarré de zéro, et puis 500 000 utilisateurs, 1 million d'utilisateurs, là maintenant 10 millions. Ces 10 millions-là qui ont adoré leur casque, ils vont faire quoi quand il va y avoir un nouveau casque qui va sortir? On attend tous le casque idéal, donc on va continuer à monter en gamme. Mmh. Petit à petit, ça va se démocratiser. Alors si maintenant Nintendo s'y met, si Microsoft daigne s'y mettre, et puis au final, derrière, un développeur qui voit qu'il peut vendre sur son même jeu, les exclusivités, il va faire son jeu, il peut le vendre et sur Xbox et sur Nintendo et sur Sony et aussi sur la nouvelle Google ou la nouvelle Amazon ou éventuellement même une console Apple. Le type, il a tout à y gagner derrière. Ils vont dire, ça y est, là le parc, il est de 10, 15, 20, 30 millions de casques dans le monde. Et ben là, on peut commencer à aller voir les banques et puis dire, bon, on se lance sur tel budget, on a quoi comme trésorerie? Ah là, c'est intéressant, on y va. Donc ça va se faire tout seul en fait, ça va monter progressivement. Les casques qui restent dans des tiroirs, moi ce que je dirais, c'est que les gens qui ont acheté un PSVR et qui y jouent peu, mais revendez-le, parce que ça fera une nouvelle personne qui va se dire, putain, je connaissais pas ça, j'ai payé un truc à 50 balles d'occasion, je m'éclate. Qui pourra tenter sa chance? C'est peut-être voilà, un optimiste de la VR. Ouais. Il faut augmenter, et puis tous ces gens qui disent que la VR c'est de la merde, que c'est pourri sans jamais l'avoir essayé, il va y avoir forcément un moment où il va y avoir un casque VR, mais un vrai cette fois chez Nintendo, il va y en avoir un chez Microsoft, il va y en avoir un sur toutes les plateformes, et puis au final ces mêmes gens ils vont rien dire, ils vont aller dans le magasin et puis ils vont dire putain c'est pas possible, maintenant je suis un crétin parce que tout le monde en a un, quoi. Ça me rappelle un peu les premiers téléphones portables, tu te faisais insulter de tous les noms et puis au final maintenant tout le monde en a un, quoi. Donc plutôt optimiste du coup pour la suite. Ah oui. Les budgets ne feront que monter. Resident Evil, il est sorti en janvier 2017. Je crois qu'un an après, il en était déjà à 400 000 ventes. Mmh. Et c'était à l'époque le record sur PSVR. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le parc augmente. Mmh. Donc aujourd'hui, si 400 000 ventes, c'était déjà pas mal pour un gros jeu. Hein, là, on parle vraiment d'un très gros jeu. Aujourd'hui, il va continuer à se vendre, Resident Evil. Mmh. Donc il va continuer à monter. Les prochains studios, de toute façon, l'indicateur qui est très important, Tu prends des boîtes comme Electronic Arts, le jour où ils vont lancer un jeu en VR, c'est que le marché, il sera mûr. Mmh. Ouais. Et est-ce que vous ne pensez pas justement que ces grosses boîtes commencent déjà à... Je l'espère. On n'est pas dans leur tête. J'en suis pas convaincu. Sentir le vent, un petit peu. Sylvion, t'en penses quoi, toi ? Tire le vent, de bon vent dans le bon sens. C'est pas, à mon avis, c'est la technique qui nous freine et la génération PS4 nous freine. Et donc, comme dirait Yoda, l'avenir est obscur. Il faudrait voir avec la génération prochaine. Il dit ça, Yoda ? Ouais. Difficile à voir. Donc, est-ce que. Toujours en mouvement. Est-ce que tout dépendra du pas de Microsoft dans la VR ? Je sais pas. J'espère que. Microsoft seront importants. Oui, mais est-ce que ça sera grâce à eux que ça bougera ? Ou ça va tellement bouger encore avec tous ces acteurs qui vont rentrer dans le monde du jeu vidéo ? Moi, je dirais que ça sera pas grâce à eux, ça c'est sûr, parce qu'ils ont rien fait. Pour moi, ceux qui ont fait quelque chose sur cette génération, c'est Sony et Facebook et HTC Vive. Voilà les trois qui ont fait qui ont pris des risques, c'est eux. Les autres, ils vont juste venir se greffer pour faire du fric quand ce sera le moment. Donc c'est pas eux qui auront créé la VR, ça c'est sûr. Par contre, sans eux, c'est un frein à la VR. Je pense. Et c'est là que c'est pas bon, c'est pas sain. T'as l'impression qu'il y a des moments où je me dis putain, ils le font exprès, ils n'ont pas envie que ça perce parce qu'ils veulent lancer autre chose avant ou ça les dérange. Et ils font tout pour freiner le marché en fait. Je suis content que Nintendo commence à se lancer dans un essai en VR, même si c'est un truc en papier mâché, mais c'est un bon signal. Si Nintendo Lab a un minimum de succès et un bon accueil, ça veut dire que sur la Switch 2, on pourra avoir enfin un vrai casque digne de ce nom. Google, à mon avis, ils vont y aller. La VR, c'est sûr qu'ils vont y aller. Facebook vont continuer. Donc au final, quand tout le monde y sera, Microsoft, ils vont faire quoi ? Ils vont faire comme tout le monde. Ils vont se dire, putain, ils vont y aller. Mais le problème, c'est qu'ils attendent, ils repoussent. Quelque chose qui devait arriver tout de suite, qui était même inscrit sur leur site officiel pour la sortie de la One X, ils l'ont enlevé. Là maintenant, il commence à y avoir des rumeurs que même sur la prochaine Xbox 2 ou Scarlett ou je ne sais ou Anaconda ou je ne sais quel nom, il n'y aura pas de VR. Surtout qu'ils n'ont rien à faire, quoi. Ils ont déjà les casques. Ils ont juste à ouvrir la console. Ils ont pas d'investissement. C'est vraiment une volonté de bloquer le marché. On ne sait pas. En tout cas, on verra un petit peu de quoi l'avenir, ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. En conclusion, est-ce qu'on peut dire qu'il faut être patient ? J'ai l'impression qu'on dit ça à tous les podcasts. Il faut être patient qu'un triple A, on peut pas le sortir avec une trop petite équipe. On ne peut pas le sortir en un an de développement. Qu'il faut du temps, que le PSVR s'est sorti depuis 2 ans et qu'il y a certains studios comme Capcom avec Resident 7 qui ont pris les devants justement pour pouvoir proposer un gros contenu et un gros jeu de qualité AAA pour le PSVR, mais que pour cette génération, est-ce qu'on peut dire que c'est plié et qu'il faudra attendre quand même la prochaine génération pour avoir des choses un petit peu plus impressionnantes, quoi. T'as bien résumé, mais on va être quand même confiant et 2019 commence à peine. Yoshida Shuai a quand même dit qu'il avait mis une stratégie en place pour proposer des jeux plus longs, de meilleure qualité sur PSVR. Donc, je lui fais confiance. Mais j'attends effectivement des noms, mais c'est toujours très court terme les annonces PlayStation VR. Borderlands, c'était 2 mois, donc on est en mars, il va y avoir des choses. Même si Sony ne participe pas à l'E3, ils vont faire leur truc de leur côté. Cet été, il y aura des choses qui vont tomber. Et le mois de mars, est riche en jeux qui tombent, même si ce n'est pas du triple A, il y a quand même du AA, alors s'il y a une définition du AA aussi, qui tombe. Je pense à Immortal Legacy, des Chinois. Je pense à, voilà, comment ça s'appelle, The Wizards, bien sûr, Ubisoft avec Space Junkies, hein, c'est quand même, voilà, un gros jeu mondial qui sort. Donc, on va voir ce que nous réserve là, cette année. D'accord. Oui, moi je suis confiant. Je suis toujours un peu dans la même optique que pour moi, le PSVR, c'est une PS1. Une PS1 plutôt. À l'époque de la PS1 et voire même de la PS2, on ne parlait pas de triple A, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Parce que quand ils ont lancé la PS1, il fallait pas tout inventer, mais on n'en parlait pas, tout simplement. On en parlera quand il y aura, comme je disais, des gros studios qui vont débouler, qui vont nous sortir des trucs avec des budgets faramineux. Mais pour le moment, en admettant qu'il y ait un PSVR 2 qui déboule en 2020 ou 2021, on va continuer. Je pense que chaque année, on aura droit encore à une expérience comme Borderlands 2 ou Wipeout, un truc il va y avoir encore des bons jeux. Le début d'année, au niveau du catalogue, chaque année, c'est toujours pareil, hein, il n'y a jamais rien. En janvier 2017, quand ils ont sorti Resident Evil, c'était le seul jeu sur tout le mois qui était sorti. Ouais, Donc sur un mois, on n'avait eu qu'un jeu. Et là, il fallait meubler, hein. c'est clair, c'est clair. Alors que maintenant, eh ben, des expériences, il y en a plein, plus ou moins bonnes, hein. Donc bon, ben, après, ça, c'est un peu notre rôle à vous prévenir quand c'est tout pourri. Mais bon, dans l'eau, il y a des petites perles aussi. Et puis, disons qu'on est passé quand même sur un casque qui valait 600 balles au départ, si je compte avec la caméra et les PS Move. Et puis au final, au début, tu faisais un Allumette, un Invasion, un Battlezone, un PlayStation VR World, un Batman. Et puis au final, putain, j'ai payé ça 600 balles, je suis débile ou quoi? Voilà, j'ai fini. Là maintenant, tu achètes un casque qu'on peut trouver d'occasion à 100 € et même neuf à 150 €. Tu achètes 2-3 accessoires que tu trouves, c'est quelque chose qui n'est pas super excessif. Par contre, le catalogue, tu peux t'éclater pendant 2 ans sans problème. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu une façon de relativiser, mais voilà, on est c'est plus pas dans faux. le. Ben, les gens se sont questionnés sur la VR mais qui n'ont pas fait le pas, c'est le moment, quoi. C'est parce que ou alors ils vont dire je vais attendre la PS5, et ça aussi c'est intéressant. Il faut pas non plus idéaliser cette PS5 et ce PSVR 2. Les composants qui seront dans le PSVR 2, ce sera quoi? Ce sera ce qu'il y a aujourd'hui dans des casques à 1 000 € sur PC. Donc au final, on va pas avoir un bon faramineux. Par contre, là où on va avoir un véritable bond en avant, c'est jusqu'à présent, bah, la PS4 Pro, elle est bridée par la PS4, alors que la PS5 sera toute seule. Donc là, par contre, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si la PS4 n'existait pas, on aurait des jeux de meilleure qualité parce qu'ils seraient développés pour la Pro. Là, ils sont juste adaptés pour la Pro. Et la PS5, ça va être, c'est ça qui. Moi, j'attends plus c'est pas tant la puissance ou la résolution, c'est plus d'utiliser enfin la puissance de la console. La puissance. Bon, en tout cas, seul l'avenir nous le C'est ça. dira. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour, en tout cas, pour cette émission. Vous avez fait un petit florilège, en tout cas, des jeux qu'on peut considérer comme triple A, où on est d'accord, on n'est pas d'accord. Vous avez Deadland, c'est pas un triple A. vous avez Deadland, le truc, Ah, le runner là? Deadland VR, Ah c'est non, pas un triple A. non, c'est un triple caca, ça. C'est ça. Je sais pas si Lyon t'es d'accord ou Trop pas. bien, excellent. Si, ah, c'est un triple Ah. A donc. C'est du ah, voilà. Ouais, c'est du ah. Bon, en tout cas, tu fais peur. N'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner votre propre définition du triple A, savoir si ça peut s'appliquer justement aux jeux PSVR. En l'état, nous dire un petit peu ce que vous pensez des jeux dont on a parlé. Aussi, ça pourra permettre à aider les nouveaux acquéreurs à faire leur choix. Dire aussi ce que vous attendez aussi en AAA pour l'avenir, et si vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir des grosses productions, en fait, sur la prochaine génération. Bref, votre avis nous intéresse. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Et puis voilà, quelque chose à ajouter, les gars? Bah, merci de nous avoir écoutés. Hein. Merci, oui. Voilà. Bah, voilà. Et puis. Soyons, on va bien regarder l'info, bien regarder les nouveaux jeux. On espère qu'il y aura plein de surprises. Mmh. Et puis, si ça se trouve, il va y en avoir. Si on se remet par rapport au calendrier de l'année passée, à l'époque, au mois de mars de l'an passé, on disait putain, il n'y a rien. Et au final, on a vu la fin d'année qu'on a eue, c'était un truc de dingue. Donc, moi, j'espère que surtout que 2019 sera pareil. Allez, on va prier pour ça. Allez, on vous dit à la prochaine du coup. Merci de nous avoir écoutés et puis à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut.